Chapitre 13e. Isabeau de Bavière, reine de France. 1. Laissez passer la justice du roi. Il n'y eut jamais de reine plus perverse, plus dépravée et plus funeste. Ses beaux yeux donnaient la mort. Ses galanteries exerçaient de véritables ravages. Et depuis 500 ans qu'elle est morte, on ne se lasse pas de la maudire. Dans combien de drames a-t-elle promené ses modes extravagantes? Combien de romans ont raconté ses amours qui toutes ont un dénouement sanglant? C'est la plus connue de toutes, nous sommes-nous dit d'abord, et nous l'aurions évitée si l'on ne nous eût fait observer que son histoire est trop importante pour être omise. Revenons donc à l'époque qui fournit la première notice de ce livre, à l'époque de Charles VI, du duc Louis d'Orléans et de Jean sans peur. Isabeau, ou Isabelle, était fille d'Étienne II, duc de Bavière, comte palatin du Rhin, et de Thaddée Visconti de Milan. Elle était née en 1371. Le renom de sa beauté, autant que le désir d'une alliance avec l'Allemagne, décida le roi Charles VI à la demander en mariage, mais sous condition. Sans confiance dans l'art encore naïf de son époque, Charles ne voulut point s'en rapporter un portrait, et la jeune Bavaroise fut conduite à Amiens sous prétexte de pèlerinage et en réalité pour y être vue du roi. C'était le 17 juillet 1385. Elle n'avait pas 15 ans, et elle était plus belle que les éloges les plus enthousiastes n'avaient pu le faire croire. Blonde comme Vénus et candide comme un ange. Dès la première entrevue, le roi l'aima avec transport. Le mariage fut célébré à Amiens cette année même. Le pauvre petit roi n'avait que 17 ans. On voit que l'intérêt dynastique n'est pas toujours le mieux compris et le mieux servi dans les monarchies. Faible, sans force physique ni morale, éperdu d'amour, le roi devint l'esclave de cette jeune femme qui ne respirait que la volupté et le faste. Ils firent une entrée solennelle à Paris, et les fêtes de leur couronnement, malgré la misère du temps, se prolongèrent plusieurs jours et coûtèrent des sommes considérables. La grossièreté des mœurs de ce temps changeait facilement une fête en orgie. Le roi donna à sa cour une fête de nuit, un bal masqué, et il n'y eut personne, dit la chronique, qui, à la faveur du masque, ne se livra à la licence et au scandale. On croit que c'est dans cette Saturnale que commença la liaison du duc d'Orléans avec Isabeau, sa belle-sœur, et c'est à la même date que remonte la folie de Charles VI. Louis d'Orléans, qui connaissait la faiblesse d'esprit de son frère, avait dans sa liaison avec Isabeau recherché une alliance politique. Deux factions se partageaient le royaume, le parti des d'Orléans et le parti des Bourguignons. Isabeau était chargée de veiller personnellement sur le roi et le gouvernement de l'État était confié au duc Jean sans peur. Louis d'Orléans, appuyé par Isabeau, parvint à obtenir la charge du duc de Bourgogne. Nous résumons les faits politiques aussi succinctement que possible. On sait comment cette rivalité entre les deux cousins se termina par l'assassinat de la rue Barbette. Isabeau, qui aimait toujours Louis, conçut une douleur et un ressentiment profond, mais elle dissimula sa haine. En 1408, à la suite de la paix de Chartres, le roi rentra à Paris. Par politique, Isabelle affecta de paraître rarement à la cour, voulant ménager les divers partis, celui de Bourgogne, celui d'Orléans et ceux du comte d'Armagnac et du Dauphin. Le comte d'Armagnac, nommé grand connétable, disposait alors d'un pouvoir absolu. Il tenait la reine à l'écart, ne lui laissait prendre aucune part aux affaires publiques. Ombrageux dans son ambition, il s'isolait de plus en plus, surveillant ses ennemis et devinant un complot dans leur silence. Il savait que la reine, sa plus dangereuse ennemie, n'attendait pour le perdre qu'une occasion favorable. Il résolut de la prévenir. Isabeau vivait à Vincennes, au milieu des plaisirs. Le connétable fut lui rendre visite et put s'y assurer qu'on ne l'avait point trompé en lui disant que la reine avait pour amant en titre Louis de Boisbourdon. Celui-ci était grand maître d'hôtel de la reine. Beau, élégant, il était digne d'un meilleur sort que celui qui semblait s'attacher aux favoris de la reine. Lorsqu'il se fut complètement édifié sur la façon dont on vivait au château de Vincennes, le comte d'Armagnac regagna l'hôtel Saint-Paul et, profitant d'un moment de lucidité chez le roi, l'instruisit de la conduite de sa femme. Charles VI courut à Vincennes, fit arrêter Boisbourdon et le fit charger de fer. Le connétable fit mettre le malheureux jeune homme à la torture. Il révéla tout. On l'enferma vivant dans un sac de cuir et on le jeta la nuit à la Seine. Le sac portait l'inscription fameuse « Laissez passer la justice du roi ». Quant à Isabeau, elle fut reléguée à Tours et privée de ses officiers et de ses trésors enlevés par ordre du dauphin. Qui l'aurait cru ? La mort de Boisbourdon fut un malheur pour la France. En humiliant Isabeau, en la dépouillant de son argent, en la frappant dans ses favoris, le roi, le dauphin lui inspirèrent une haine, une fureur qui ne devait plus s'éteindre même dans le sang des plus cruelles vengeances. Réfugiée à l'abbaye de Marmoutier et menacée par la population de Tours, elle songea appeler à son secours son ennemi le plus ancien, l'assassin du duc d'Orléans. Jean sans peur se rendit à son appel et se rendit à Marmoutier avec 800 cavaliers. Isabeau, délivrée, partit pour Chartres avec son libérateur. Là, elle crée un parlement, fait graver un sceau qu'il représente étendant le bras sur la France, à genoux, qu'il implore. Elle s'intitule dans tous ses actes « Isabelle, par la grâce de Dieu, reine de France, ayant pour Monseigneur le roi, le gouvernement et l'administration du royaume. » Elle s'était établie à Troyes, et la France se trouve avec deux cours et deux gouvernements rivaux, lequel renversera l'autre. Cette lutte allait donner lieu à un des massacres les plus épouvantables que l'histoire ait jamais enregistré. 2. Comment Boisbourdon fut vengé. La trahison livra Paris au duc de Bourgogne en mai 1408, et les gens de son parti massacrèrent les partisans du comte d'Armagnac. Quiconque était Armagnac ou suspect de l'être, ou dénoncé comme tel, était pris. Beaucoup furent emmenés en prison, d'autres exécutés sur place. Les insurgés exploraient les maisons. Ils jetaient les victimes dévouées à la mort par les portes, par les fenêtres, par-dessus les murs, dans la rue. Là, les gendarmes tuaient. Pendant le meurtre, les autres volaient et pillaient. D'après le témoignage d'un bourguignon, 522 hommes moururent ce premier jour, à l'épée, dans les rues, sans y comprendre ceux qui furent assassinés dans l'intérieur des maisons. Les captifs furent conduits aux prisons du palais de Saint-Éloi, des Deux-Châtelets, du Louvre, du Temple, de Saint-Magloire, de Saint-Martin-des-Champs, du Fort-l'Évêque, de Saint-Antoine, de Saint-Méry. Au nombre des personnes ainsi arrêtées se trouvaient quantité de bourgeois, de magistrats, de militaires et d'autres personnes. On y remarquait les évêques de Saintes, de Lisieux, d'Évreux, de Coutances et de Senlis, l'évêque et le duc de Lens, pair de France, les archevêques de Reims et de Tours, Philippe de Villette, abbé de Saint-Denis, les cardinaux de Saint-Marc et de Bar. L'émeute mit la main sur un jeune prince du sang, Charles de Bourbon, dont le père était l'adversaire politique du duc de Bourgogne. Ces furieux se dirigèrent ensuite sur le petit Châtelet. On y avait enfermé l'évêque de Coutances, l'évêque de Senlis et d'autres prélats. Les bourguignons n'obtinrent pas, de prime abord, l'entrée de cette prison, mais il fut convenu que l'un de leurs délégués pénétrerait à l'intérieur et ferait l'appel des captifs. Chacun de ces malheureux à tour de rôle était nominativement invité à sortir. Au moment où il baissait la tête pour franchir le guichet, il recevait la mort. Une pluie continue avait depuis quelques jours détrempé le sol. Les bourreaux jetaient, au fur et à mesure, les victimes dans la boue. L'évêque de Coutances, nommé Jean de Marle, était fils du chancelier. Il avait quitté son siège plutôt que de prêter serment au roi d'Angleterre. Le prélat s'était muni de beaucoup d'or qu'il portait sur lui. Vainement, il l'offrit à ses meurtriers, espérant que ceux-ci préféreraient cette richesse à sa vie. Les assassins le tuèrent d'abord et le dépouillèrent ensuite. Ils prirent ainsi l'un et l'autre. Au Grand Châtelet, les officiers royaux donnèrent enfin l'exemple d'une virile résistance. Ils s'étaient procuré des armes. Pendant 2 heures, ils se battirent contre ces forcenés. Puis, vaincus par le nombre, ils périrent à leur poste. La lutte recommença entre les bourguignons et les prisonniers également armés. Ces captifs n'étaient pas seulement des Armagnacs. Avec eux habitaient des prisonniers civils, des détenus pour dettes, des individus antérieurement incarcérés et tenant pour le duc de Bourgogne. Ces derniers attendaient de l'émeute leur délivrance. Mais le peuple était ivre de carnage. Il ne distinguait plus et voulait tout massacrer. Vivement disputé, le combat se prolongea jusqu'à la nuit entre ceux du dedans et ceux du dehors. Enfin, le lendemain, les envahisseurs revinrent à la charge, renforcés de nouveaux bandits. Ils assiégèrent les prisons à l'aide de la flamme et de la fumée. Sur certains points que le feu laissait libres, les assiégeants pénétraient dans la prison. Chassés par la flamme et par l'épée des assiégés, montant au sommet des tours et poursuivis jusque-là, ils se précipitaient de dehors. Pendant ce temps, leurs bourreaux les attendaient au pied des murailles. Leurs corps venaient tomber sur les piques des bourguignons qui achevaient ces morts à coups de hache ou d'épée. Le dauphin s'était évadé de cette boucherie et avait passé la Loire. Voilà bien du sang répandu pour venger la mort d'un favori, et ce n'était pas le dernier qui devait couler. Cependant, Isabeau, accompagné du duc de Bourgogne, s'était avancé vers Paris. Ils se présentèrent aux portes de cette ville avec une escorte de 200 hommes d'armes. Leur entrée fut un triomphe. La reine était montée sur un char à la mode antique. On joncha de feuillages et de fleurs les rues où elle devait passer. Cet hommage eût pu être une précaution utile, car le sang de ses victimes n'était pas encore séché. Charles VI vint au devant d'Isabeau et l'accueillit comme une épouse chérie, ce qu'explique et excuse sa maladie. Pendant les jours qui suivirent, le duc et la reine s'entendirent pour achever de tirer vengeance du petit nombre d'Armagnacs échappés au massacre et pour la distribution des places et des faveurs à leurs partisans. Cependant, l'armée anglaise, qui s'approchait de Paris, inspira à Isabeau l'idée de retourner à Troyes et d'y emmener le roi. Ce fut alors que s'entamèrent entre la reine, Jean sans peur et le dauphin les négociations qui devaient aboutir à l'entrevue et à l'assassinat du pont de Montereau le 10 septembre 1415. Nous l'avons raconté dans un de nos premiers chapitres et nous terminions en disant que le dauphin avait fait suivre ce meurtre du pillage des équipages du duc. À la nouvelle de cet événement, Isabeau exprimait la douleur la plus vive. Ce qu'elle aimait avait une destinée cruelle. Elle maudit l'assassin, oubliant qu'il était son fils, et d'autres disent qu'elle le maudit pour faire croire qu'elle n'avait pas trempé dans un guet-apens qu'elle avait conseillé. Elle adressa un manifeste à toutes les villes du royaume contre le dauphin et ses complices, et s'unit au jeune duc de Bourgogne, Philippe le Bon, pour poursuivre la vengeance de son père. La vengeance tient une grande place dans la vie des princes de ce temps-là. Mais Isabeau devait mettre le comble à ses excès par la plus odieuse des trahisons. Le roi d'Angleterre, avons-nous dit, était en marche sur Paris. Isabeau n'avait aucune armée à lui opposer, elle songea à traiter avec lui. Henri IV se rendit à Troyes. « Sire, lui dit Isabeau, le roi a perdu la raison et son fils a perdu ses droits à la couronne. Les destinées du royaume sont à cette heure entre les mains d'une femme, et cette femme voudrait épargner au royaume la continuation de la guerre civile et les maux de la guerre étrangère. « La paix sera avec le vainqueur, dit le conquérant. « Non, comme vous l'entendez. Les partis qui divisent le pays s'uniront pour combattre l'étranger. Il vous manque une qualité, un titre. Que voulez-vous dire? Il vous manque le titre de Français. Je le tiendrai de mon épée. Il vaudrait mieux pour vous le tenir, ainsi que moi, d'une alliance de famille. Écoutez-moi. » En France, les femmes ne règnent pas. À la mort de son père, la princesse Catherine ne peut monter sur le trône. « Je la ferai reine de France et d'Angleterre, » s'écria Henri avec empressement. « Si elle consent à m'épouser, et si vous consentez à m'accorder sa main, car tout dépend de votre volonté. »« Très bien, » dit Isabeau. « J'avais pensé à ce mariage qui, en réunissant la France et l'Angleterre sous la même couronne, mettrait fin à une rivalité ruineuse pour les deux nations. Mais si je vous accorde la main de la princesse Catherine, que ferez-vous pour moi en échange ?»« D'abord, je vous protégerai contre vos ennemis, contre le dauphin. C'est votre intérêt. » Et vous garderez le pouvoir jusqu'à ce que la mort du roi me donne la couronne. » Isabeau accepta, et un traité signé à Troyes consomma ce crime de lèse-nation. Il ne manquait à ce traité que la sanction d'un parlement, et ainsi qu'il en fut presque toujours, elle ne lui fit pas défaut. Les souverains et le duc de Bourgogne se rendirent ensuite à Paris, et la ville les reçut avec magnificence, ainsi qu'elle y était obligée. Le nouvel héritier de la couronne, Henri V, s'installa à l'hôtel des Tournelles, et déploya un luxe qui éclipsa la cour fameuse d'Isabeau. Il épousa Catherine de France, mais il ne parvint point à se faire considérer comme prince français. On regarda partout le traité de Troyes comme une trahison de la reine, et on le tint pour non avenu. Isabeau était méprisée, on la prit en haine et en horreur. En 1422, Henri V mourut, et deux mois après Charles VI la suivit au tombeau. Alors la guerre se ralluma. Isabeau, isolée, détestait des Français, méprisait des Anglais qui ne se gênaient point pour lui dire en face que le dauphin Charles n'était point de son époux, Isabeau se vit encore abandonnée des Bourguignons. Elle traîna dans la misère et le mépris une vieillesse languissante. La crainte du rétablissement de son fils ne lui laissait plus aucun repos. Elle avait à redouter sa vengeance, ou plutôt le châtiment dû à ses crimes, et cette crainte se réalisa par le traité d'Arras. Le désespoir s'empara d'elle et la tua. 10 jours après la signature du traité, elle mourut à l'hôtel Saint-Paul, le 30 septembre 1435. On l'enterra sans pompe à Saint-Denis. elle avait vécu 64 ans. En 1436, le comte de Richemont, connétable de France, et le comte de Dunois, le bâtard d'Orléans, reprirent Paris. À la même époque, une femme du peuple, une simple paysanne, par un patriotisme et une piété héroïque, aidait le roi de Bourges à redevenir roi de France et portait le coup mortel à la puissance anglaise.